Charmine. Salut Charmine. Oh là là là, je suis trop excitée. Ah bon ? On reçoit Guillaume de Tonquédec. Ah ! Et quoi ? Fais pas ça. Non, mais je fais ce que je veux. Mais non, la série, Alex. Ah, machin, famille de droite, famille de gauche. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Un rôle pour Emmanuel Macron, ça. Et il serait de quelle famille ? Bah, c'est pas, c'est le problème. Oh, bah allez, on lui trouve des bons sujets. Okay. Il y a les raffineries en grève. Ah, parfait, la grève, c'est un sujet de gauche. Il y a un article sur le fait que les jeunes votent comme leurs parents. Parfait, le conservatisme, un beau sujet de droite. Et il y a un truc sur James Bond. James Bond, il est de droite, il est de gauche, on sait pas. Bah si, c'est un indépendant de droite. Non, il est au service de Sa Majesté, donc il est fonctionnaire. Ah oui, de gauche alors. C'est pas le problème, l'article, c'est pour savoir si James Bond peut être une femme. Ah, ça, impossible. Ah non, je regrette, moi j'adorerais. Non, non, allez, on essaye. Alex, tu fais Q. Allez, hop, musique. My name is Bond. Jane Bond. Bonjour Bond, je vous attendais. Q, oui. J'ai une mission en URSS. Oh. Je dois désactiver une fusée nucléaire. Très bien, j'ai ce qu'il vous faut, voici. Ah, mais j'ai jamais vu cet objet. Jane, il s'agit d'un aspirateur. C'est extrêmement pratique. Non, coupe là, coupe. Mais c'est hyper sexy. Oui, tu vois, c'est à cause de gens comme toi que Bond n'a jamais été une femme. Pardon, voilà. Tu m'as prisé mon rêve, mais Alex. Mais pardon. Moi, j'étais à fond dedans, j'étais trop... Je le ferai plus. Mais c'était un super aspirateur, double moteur en... Bond. Jane Bond. Bonjour la France Inter au service de la République, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui déclare la grève illimitée du premier degré et voici les trois informations reconductibles jusqu'à 18h. La France est à deux doigts de la panne. Dans la guerre d'usure entre le gouvernement et la CGT, on dirait bien que la CGT a pris le dessus, d'autant qu'à partir de demain, elle entend aussi bloquer les centrales EDF. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Comment vote-t-on dans les familles? Une étude publiée dans La Croix démontre que dans la majorité des cas, on vote comme papa et maman. Qui peut répondre? Moi. Mon père dit que... Mais ton père, je m'en fous de ce qu'il dit ton père. Je te pose la question à toi. Je sais pas. Tu sais pas. Voilà, sans ton père, tu peux pas répondre. Daniel Craig, qui incarnait James Bond, a décidé de plaquer le personnage. L'idée d'une femme refait surface pour prendre la suite. Ou à la rigueur pour les cascades, un homme déguisé en femme. Tu peux pas être déguisé en salope. Et pour m'accompagner, celui qui est déguisé normalement, Alex Vizorek. Mais oui, car je ne suis pas mort dans le sketch, en fait ce sont des faux coups de feu. Ah, mais oui, vraiment bien fait. Pour rire. Ah, oui. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe, 17h20, l'homme qui depuis peu est un exemple pour au moins une personne dans le monde, son fils. Et tout va bien, l'enfant pleure dès qu'il entend de la variété française. C'est donc Thomas VDB, bonjour. Bonjour Alex, il est bien éduqué cet enfant évidemment. De quoi on va parler? Eh bien écoutez, faut savoir que dans la vie j'habite en face d'une station totale, donc je vais donner ma vision des choses. Très bien, 17h30, l'homme qui depuis peu est un exemple pour pas mal de monde pour les journalistes, car il pose aussi des questions que les gens n'ont pas envie d'entendre. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je vais vous parler de la situation sociale en France. J'ai notamment discuté avec des députés de droite qui m'ont rassuré sur l'état du pays. C'est un pays qui est en train de s'arrêter tout seul, alors même que nous sommes en période d'état de siège. L'État aujourd'hui est déliquescent. Voilà, donc ne paniquez pas, hein, tout va bien. Pas d'alarmisme. Et à 17h40, celle qui depuis peu est un exemple pour toutes les adolescentes de France. Oui, car leurs parents leur disent « Tu vois le style de vie de Juliette Arnault ? Eh ben, c'est un exemple à ne pas suivre. » Bonjour Juliette, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Mais moi, je vais être à fond de modernité. Très bien. Je vais vous parler de Balzac. Très bien, c'est toujours moderne. Allez, le référent de la République qui a accepté de présider cette émission est né sous De Gaulle. Vous obtenez votre premier rôle au cinéma dans Tableau d'honneur de Charles Némès. C'est en 92. De Gaulle a régné longtemps. En 92, c'est quand les camionneurs bloquent la France à cause du permis à points. C'est mon premier rendez-vous avec la France, ce fut ce jour-là. Vous incarnez Renaud Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça à partir de 2007, quand les scénaristes américains se mettent en grève. Eh oui. Et vous obtenez le César du meilleur second rôle pour Le Prénom, adapté au cinéma en 2013, l'année où les bonnets rouges font tomber les Kotax. Ça n'arrête jamais. Vous êtes, je vous laisse nous le dire. Vous êtes Guillaume de Tonquédec. Mais non, c'est lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Guillaume de Tonquédec, c'est un petit peu comme si on recevait un membre de l'équipe. Sauf que vous n'êtes pas au courant. Vrai, mais non, je ne savais pas. Et sauf que vous n'êtes pas payé pour ça. Mais oui. Non, mais les scénaristes, oui, en droit d'auteur. Parce que vous incarnez Rollo le Pic, évidemment, dans la série de France 2. Vous nous accompagnez tous les jours pour illustrer les sujets, figurez-vous. Mais surtout, en ce moment, on peut vous voir au théâtre, Guillaume de Tonquédec, dans Un dîner d'adieu d'Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, dans une mise en scène de Bernard Murat, au théâtre Édouard VII à Paris, avec Lionel Abelansky et Lysiane Meiss. Et Alex Vizorek est allé vous voir. Oui, un dimanche après-midi, on le passe en compagnie de Guillaume de Tonquédec et tout va bien. Et j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas, le clown Guillaume de Tonquédec. Parce que c'est ah non vrai, mais d'habitude ouais, on vous voit dans des rôles je sais pas, parce que c'est peut-être parce que vous êtes propre sur vous, on vous imagine dans des rôles carrés. D'habitude vous êtes chiant à mourir. Non, pas, non, pas là, du tout. En fait, ça va. C'est-à-dire que vous, c'est un rôle que vous tenez bien et là vous vous laissez complètement aller. On vous a donné une partition qui permettait de sortir un peu de ces rôles-là. Enfin c'est pas Renaud Lepic qu'on voit là. Quoi. Bah en fait c'est les auteurs du prénom Alexandre oui. de la Patellière et Mathieu Delaporte. Donc ils m'ont proposé la pièce le jour des Césars. D'ailleurs ils m'ont dit on a un truc à te faire lire. Donc je l'ai lu et j'ai accepté tout de suite en me disant pourvu que je trouve ça bien, parce que comme c'est des copains, c'est quand même dur de dire à des copains c'est pas bien, mais je l'aurais fait hein, d'ailleurs si ça avait pas été bien, mais comme ils sont de bons auteurs j'ai dit oui, et après je me suis dit mince, mais comment je vais faire pour jouer ce mec, ce personnage quoi. Ah vous aussi vous aviez trouvé que c'était pas directement ça a été très compliqué, les répétitions étaient assez abyssales, angoissantes, je me disais comment je vais m'en sortir maintenant que j'ai dit oui, il faut y aller quoi. et en effet j'ai fait cette proposition là qui est en effet assez proche de du clown. Ouais, je m'amuse beaucoup, mais c'est du guignol pour adultes, carrément. Hein. Oui, c'est bien dit, du guignol pour adultes. Alors, que raconte la pièce ? Que dire, voilà, guignol sérieux, évidemment. On va expliquer la pièce. Un dîner d'adieu. Alors, expliquez-nous le concept du dîner d'adieu, parce que tout part de là. Bah, ces deux personnages, un couple, ils sont invités à dîner chez les Bertins, et le mari dit à sa femme, mais pourquoi va-t-on au dîner qu'on souhaiterait que les gens annulent ? C'est-à-dire qu'il dit, ce sont des amis qui n'en sont plus vraiment, qu'on traîne depuis des années avec nous, on a été proche d'eux à une période de notre vie parce qu'on bossait avec eux, etc. Maintenant, on n'a plus rien à leur dire, on connaît par cœur les repas qu'on va faire chez eux tous les 6 mois, comme ils nous ont reçus il y a 6 mois, il faut qu'on les reçoive. C'est des réceptions mécaniques. Ils s'ennuient à mourir avec eux, ils se disent, mais on n'a plus de temps pour nous. C'est un peu la chanson de Benamar, si on n'y allait pas, si on restait sous la couette. Et surtout parce qu'ils voudraient avoir plus de temps pour eux, donc se débarrasser de tous ces amis qui n'en sont plus vraiment, en fait. Et il fait même le calcul du temps que ça prend d'aller à des dîners. Les Bertins représentent 10% de notre temps de temps libre disponible. C'est trop. Donc il dit, il faut se débarrasser de ça. Et il a une idée absolument cynique. Il dit, plutôt que de s'en débarrasser, de plus les voir, on va quand même les recevoir, mais une dernière fois, mais très très bien. On va leur organiser le concept du dîner d'adieu en les recevant comme des rois, le vin de leur année de naissance. On va aborder tous les thèmes qui nous ennuient tellement avec eux. On va les mettre très en valeur. On va ressortir tous les cadeaux qu'ils nous ont offerts. Et ils vont passer, eux, une super soirée. Et nous aussi, parce qu'on sait que ce sera la dernière avec eux, mais eux ne le savent pas, évidemment. Quoi. Et c'est moi la victime. Oui, sauf que ça se passe pas comme prévu parce bien que sûr. Votre dame n'est pas là et vous êtes hyper Béa. Content d'aller à ce dîner, même tout seul. Ah ouais, bah oui, parce qu'il les adore, ses amis lui. Oui. Il est très très très content, c'est un pot de colle atroce quoi. Puis il les a pas vus depuis longtemps et puis il a des choses importantes à leur dire. Notamment qu'il va être papa, donc là c'est énorme et puis il demande aux autres d'être parrain, enfin ça va être compliqué quoi. Alors il de se défaire du pot de colle. Comme le prénom, il y a des rebondissements tout le temps. Ouais. Il y a un moment sans déflorer les rebondissements où, pour mieux comprendre l'un l'autre, vous échangez quelque part vos rôles. Et c'est là que ça devient hyper cocasse parce que votre partenaire, Lionel Abelansky, est assez excellent en opposition à vous. Ça fait aussi très numéro de clown, mais ouais. Dans le sens noble du terme. Oui, parce que lui, son personnage est plus normal, entre guillemets, sauf que c'est un tordu. Hein. Le principe du dîner d'adieu, c'est d'une cruauté absolue. C'est ça que j'aime bien, d'ailleurs, dans l'idée des deux auteurs, c'est que c'est apparemment un thème de boulevard, mais c'est beaucoup plus profond que ça, parce qu'on parle vraiment de l'amitié. Et Lionel, qui joue donc assez sérieusement au départ, va se mettre à singer son ami, à imiter son ami, à la demande de l'ami d'ailleurs, pour voir ce que ça fait d'être dans la peau de l'autre, pour essayer de le comprendre. Et il fait des trucs assez délirants à ce moment-là, Lionel. Ça marche bien, super bien. Et si vous avez des amis, par exemple, anglais qui viennent vous voir, vous pouvez y aller parce qu'il y a des surtitres oui. En anglais à l'Édouard VII. Donc, ouais. On peut aller voir du théâtre français même si on ne parle pas. Oui, c'est une très bonne idée. C'est quelque chose oui. Qui a été lancé il n'y a pas très longtemps à la fin de la saison dernière et on l'a repris là et ça marche très très bien. Les Anglais aiment bien l'humour français. Est-ce qu'il y a moyen de faire des carnets de vacances autour de la pièce, peut-être, parce que les enfants travaillent l'anglais aussi, Ah oui, ça fait coup double. Guillaume de Tonquédec, dans toute sa puissance. Comique dans Un dîner d'adieu. C'est au théâtre Édouard VII, une pièce d'Alexandre La Patellière et de Mathieu Delaporte. Vous êtes sur France Inter, Guillaume de Tonquété qui est avec nous jusqu'à 18h. Quelle chance! London calling to the faraway towns. Now war is declared. twentieth day. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. London Calling, The Clash sur France Inter, en compagnie de Guillaume de Tonquédec, qu'on peut voir au théâtre à Paris, au théâtre Édouard VII, dans Un dîner d'adieu. Guillaume de Tonquédec, est-ce qu'on pourra vous voir en France, ou c'est qu'à Paris pour l'instant, mais est-ce que... Ah ben, on revient de France, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on était en tournée. C'était comment alors la France? On est même allé en Belgique, on est même allé à Bruxelles. Ah non, donc c'est déjà fait alors. Et on est même allé à Genève, en Suisse, et on revient d'une tournée, et on s'est dit pourquoi pas finir l'aventure à Édouard VII, là où on l'avait commencé, puisque ça a très très bien marché toute l'année dernière, donc c'est un vrai plaisir de revenir à la maison. Quoi. Donc certains de nos auditeurs auront déjà vu Un dîner d'adieu, qu'ils habitent à Marseille, Lille ou Limoges. Absolument. Et autour de la table, Alex. Eh bien, par ordre d'apparition, nous avons Thomas VDB, Guillaume Meurice et Juliette Arnoux. Et c'est le moment des informations. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Le fils du couple Balkany mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Isabelle et Patrick sont sous le choc. Se demandent comment ils ont bien pu faire pour avoir un fils pareil. Télévision, Francis Lalanne va intégrer l'équipe de Fort Boyard pour tout l'été sur France 2. Apprenant la nouvelle, le père Fouras a jeté ses appareils Audica à la mer. Et les brèves? Non, non, parce qu'à partir du moment où ce sont les deux infos qui font titre, on n'a plus besoin de brèves. On commence avec Stéphane Le Foll. Oui, il a été interpellé en conférence de presse par une même journaliste qui a essayé de le mettre en opposition avec un autre socialiste, Bruno Le Roux, et elle n'a pas eu trop de difficultés. Je crois que si vous me posez cette question, c'est que vous avez dû écouter ce qu'a dû dire Bruno Le Roux ce matin. Tout à fait. Bruno Le Roux est revenu. Bruno Le Roux. Donc voilà, la puce qui est révélatrice. Allez, on reste à gauche et on parle médias. La presse annonce que François Hollande serait bientôt l'invité de L'Œil du Tigre, l'émission de France Inter. Alors, on dirait, j'aurais pu monter à l'étage au-dessus pour aller me faire confirmer l'info, mais non. Donc ça reste un mystère. Et donc après l'émission d'histoire qu'il a fait sur France Culture hier, ça pourrait être une émission donc de sport, L'Œil du Tigre, chez nous. Et je sais déjà ce qu'il va dire quand on va lui demander si l'OM va mal. Je veux insister aussi sur ce qui va mieux. Eh bien oui, ça va mieux. Eh bien oui, ça va mieux à l'OM, tout comme en France. Passons à droite avec Robert Ménard qui a proposé ce dimanche la création de Oz ta droite, Oz, une sorte de Podemos de droite. Et oui, bah oui, ça, ouais, ça m'inspire. Je me dis, si on avait Robert Ménard en face de nous, et voilà, on ose la droite. Et ça fait beaucoup de bien. Mais non, sans cette terrible info qui nous vient de Levallois. Et oui, le fils de Patrick et Isabelle Balkany a été mis en examen pour blanchiment et fraude fiscale. Alexandre Balkany, 35 ans, a donc été mis en examen le 4 mai et placé sous contrôle judiciaire. Alors, est-ce héréditaire ? On a voulu en savoir plus. Nous avons avec nous Kevin Balkany, le petit-fils de Patrick. Bonjour, monsieur. Bonjour, petit. Pourquoi tu voulais témoigner ? Bah, parce que tu m'as dit que t'allais me donner une sucette. Mais enfin, Alex, c'est pas des méthodes de journaliste. Mais désolé, c'est un enfant. Mais tu n'avais pas besoin de cette sucette, tu aurais pu en acheter, ton argent de poche. Bah non, j'ai plus d'argent de poche, c'est papy qui m'a confisqué. Aïe, aïe, aïe, mais il te le rendra. Non, il a dit pas avant cet été, on va en vacances en famille au Panama. Ah, super, super. Bon, bah, dernière question, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard comme métier ? Ah, plus tard, je voudrais être juge d'instruction. Ah, c'est bien ça, pour faire respecter la loi. Ça. Non. Oh, c'est pour voir plus souvent mon papy. Merci Kevin Balkany. On l'a bossé dans votre dos. Chômage à présent. Une page chômage que de ton Québec. Selon le FMI, à cause d'un manque de qualification et de profits inadaptés, 9 chômeurs français sur 10 n'ont aucune chance de trouver un emploi. Mais donc, c'est donc pas le gouvernement qui est nul, ce sont les chômeurs. Bien sûr, ça on le savait. Passons à la culture avec cette info musique. Paul McCartney avoue s'être mis à boire après la fin des Beatles. Imaginez si Renault avait appartenu à un groupe. Télévision, Francis Lalanne. Francis Lalanne sera donc un personnage récurrent de Fort Boyard. Oui, c'était pas pour rire, c'est les informations qui viennent de Télé Loisirs. Un nouveau personnage va faire son entrée au Fort. France 2 en aurait fait engager Francis Lalanne, le chanteur qui prendra place aux côtés du père Fouras et interprétera un personnage, on sait pas encore bien qui. Est-ce qu'on a une petite idée de l'épreuve, Alex ? Oui, je pense qu'on va donc enfermer le candidat dans la cellule et puis... Sors ! Non, ne prends pas la clé ! Sors ! Sortons de ce journal. Immédiatement pour revenir à une activité normale avec voilà. Guillaume de Tonquédec, hein, qui a quand même une grosse journée et qui ont fait subir ça en plus. Ah non, ça me détend, c'est super. Guillaume seul, de Tonquédec, oui, parce que vous allez filer ensuite au théâtre Édouard VII pour un dîner d'adieu. Mais avant, on va vous soumettre un premier sujet. Après le blocage des raffineries, la contestation s'étend aux centrales nucléaires et aux transports. La CGT ira jusqu'au bout. Le gouvernement ira jusqu'au bout aussi. Les Français, eux, sont poussés à bout également. D'ailleurs, dans leur précipitation à la pompe, ils font des tas de conneries. Qu'est-ce que tu fous, putain, mais arrête! Mais toi t'es con, mais c'est pas vrai! Faut mettre du 95 là-dedans! C'est pas grave, je vais en mettre! Non, tu touches plus à rien, t'arrêtes, tu te barres, casse-toi! Oh ouais, ça va, hein, terminé, moi je t'aime plus, hein! L'ami du jardin dans Un gars, une fille. Je sais pas pourquoi je vous vois dans le rôle, Juliette Armanet. Ça vous va tellement bien. Mais quoi, c'est moins cher. C'est trop de vous. Alors, Guillaume de Tonquédec, on va se ressaisir. Alors, on sait bien qu'en région, si on n'a pas de voiture, c'est quand même très compliqué de se déplacer, ne fût-ce que pour faire ses courses, aller au boulot. Quand on est comédien, qu'on vit à Paris, est-ce que on craint d'être vraiment impacté par le manque d'essence? Est-ce que c'est une préoccupation dans les jours à venir avec une pénurie possible qui se profile? Ne montez pas. Non, je vais vous dire l'exacte vérité, c'est que moi je suis banlieusard en plus. Ah. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis allé jouer en train et je suis rentré avec le dernier train. Même si, parce qu'il en reste quelques-uns malgré la grève. Ah oui, c'est-à-dire que vous n'avez déjà plus d'essence, vous. Comment ça se passe? Ben, j'ai réussi à faire un plein en deux jours après deux jours de pénurie. Donc, j'ai gardé le plein dans la voiture pour les urgences éventuelles, puisque j'ai une famille. Et donc, je suis allé travailler en train. Ah voilà, déjà les réflexes. Les réflexes se sont intégrés. Donc. Ouais, c'est bien. C'est le système D, il faut garder un peu d'humour. Et quand il y aura grève des trains la semaine prochaine? Il y a déjà grève des trains, mais alors là, je ne sais pas. J'ai un vélo électrique. Ah oui, Mais il y aura grève des intermittents aussi, donc il n'y aura pas. Est-ce que vous avez un peu de sympathie pour la contestation ou l'attitude contestataire, où vous savez, le gouvernement joue un petit peu sur l'exaspération de l'opinion? Est-ce que vous êtes déjà parmi les exaspérés, ou vous comprenez qu'on en vienne à bloquer les raffineries quand on n'a plus rien à perdre? Je vous donne un indice, l'auditeur de France Inter est de gauche. Maintenant, vous pouvez donner votre réponse. Mais moi, on me fait jouer que des personnages de droite, et comme je ne veux pas perdre mon fonds de commerce, je vais vous répondre. Non, c'est sympathiquement français, en fait. Et c'est éternellement français. Vous parliez de la grève de 92, c'est pas 95. Oui, le permis à points et les camionneurs. Quel que soit le quel que soit le gouvernement. En fait, ça, moi, je reste assez flegmatique, mais ça me fait sourire, vraiment. Faut garder son sens de l'humour, je crois, parce que sinon, on devient dingue, quoi. Ouais. Donc, bon, ben voilà, quoi. C'est la France. Quel que soit c'était la droite à l'époque, maintenant, c'est la gauche. On est très bizarre, les Français. On élit un gouvernement, mais on ne veut pas le laisser travailler et accepter ses lois. C'est bizarre. Non, c'est parce qu'ils nous avaient dit qu'ils étaient de gauche. Oui, c'est ça. En fait, ouais. C'est pour ça. C'est vrai que la loi travail n'était pas dans les promesses de non, ça c'est pas, vous avez raison. C'est donc la France, monsieur, la France, avec Guillaume de Tonquédec qui est avec nous jusqu'à 18h. Il boit une gorgée d'eau, il s'humecte la bouche parce que ça va dépoter, c'est Thomas VDB. Évidemment, il y a une autre façon, parce puisque vous posiez la question à Guillaume de Tonquédec aujourd'hui, de se procurer de l'essence, qui ouais. est tout simplement de faire appel à l'homme fioul. Demande-moi si tu veux de l'essence. J'en ai autant que je veux. Pour moi la crève ça roule, parce que je suis un homme fuel. I'm a fuel man. Fuel man. I'm a fuel man. Voilà, évidemment, Fuelman à contre-temps. Un Fuelman à contre-temps. C'est audacieux. Il convient de préciser que Fuelman, évidemment, je rappelle, est un super-héros pas très connu, qui n'est fait que de fuel. Même sa peau, c'est du fuel. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, dans la vie, j'ai la chance d'habiter en face d'une station Total. Ce qui me plonge vraiment au cœur de l'actualité. Je peux observer, je peux analyser, je peux... On vient jamais chez vous par hasard, quoi. Exactement. Je peux me rendre compte de ce qui se passe, puisqu'actuellement, je me rends compte que tout ce qui se passe me fait énormément penser à Mad Max 2. Le film, pour ceux qui l'ont vu évidemment, hein, puisque autour de cette œuvre, qui raconte une pénurie d'essence dans laquelle il y a deux camps ennemis qui se disputent une raffinerie. Alors c'est un film très violent, dans lequel il y a beaucoup d'explosions, de carambolages et tout ça. Et hier matin, j'étais à ma fenêtre et je vous jure que j'avais l'impression d'assister à Mad Max. Mad Max en Ile-de-France, mais Mad Max quand même, à un moment il y a un gars qui arrive en 206 et là le mec il tourne son volant. Et il se met dans la file pour faire la queue pour prendre l'essence. Là il y a un gars qui arrive derrière lui, il met un petit coup de frein comme ça, il met ses warnings, il se colle à lui. Sans toucher le pare-choc quand même, et pour venir chercher de l'essence, et le gars, il arrive, il voit la file, finalement, il se gare. Voilà, donc un Mad Max, vraiment, avec des moyens français, on a remplacé vraiment tous les carambolages parce qu'il y a l'univers des bouchons. Alors, comme on le disait, la colère gronde, le blocus des raffineries paralyse le pays, il n'y a plus d'essence, la SNCF est en grève, Air France est en grève, ça va devenir compliqué de se déplacer. Je serais presque tenté de se dire qu'on va bientôt devoir tout faire à pied, mais même pas, puisqu'apparemment, il y a même une grève des chausseurs qui est prévue. Voilà. Alors, c'est que tout le monde fait grève, vous avez vu les gars qui lavent les pare-brises au feu rouge, ben pareil, ils font grève. Voilà, bon, alors ils ont une capacité de blocage moins importante. Ouais, vous avez mis l'éponge et une bouteille d'Ajax au milieu de la route, mais voilà. Moi, je ne suis pas insensible aujourd'hui à l'action des grévistes. D'ailleurs, pour moi, je vous dirais franchement, c'est pas dur de les soutenir parce que j'ai pas de voiture. Je conduis pas, donc ça m'affecte pas énormément. Pour moi, c'est comme s'il y avait, je sais pas, une grève des fabricants de peigne. Hein, ce sera un peu pareil, franchement, mais je m'en fous, ça n'a pas d'importance. Et bon, en même temps, je dis ça, je fais celui qui s'en fout parce que à chaque grève, je soutiens les grévistes. Vraiment, je suis derrière eux à fond jusqu'au jour où je dois aller en général à un endroit hyper loin et qu'il n'y a pas moyen. Je suis là, mais qu'est-ce qu'ils nous font chier, ces grévistes, évidemment. Voilà, en fait, je pense, j'ai une idée. Il faudrait peut-être que les grévistes travaillent sur une manière de faire la grève, mais qui ne pourrissent la vie que des personnes concernées. Genre, Manuel Valls, quoi, vous voulez pas lâcher l'affaire sur la loi travail? Eh ben, on va mettre en place un blocus sur les cravates fuchsia, hein, tout simplement, et puis on verra bien lequel des deux finira par céder en premier. Voilà, en attendant, malgré tout, on est dans les bouchons. Voilà, il faut prendre son mal en patience, faut faire avec, faut voir les bons côtés des bouchons. Faut essayer de voir midi à sa porte. Genre, même dans l'absolu, faut essayer de voir midi à sa portière. Bon, voilà, en tout cas, je rappelle que depuis ce matin, il fait beau. Donc quand même, quand on fait la queue à la pompe, eh ben on fait pas la queue sous la pluie, mais au soleil. Ah bah ouais, ben merci François Hollande. Les embouteillages, c'est l'occasion de faire des jeux. Tiens, j'ai une demi-heure à attendre avant de faire le plein. Ben je vais voir si j'arrive à toucher le bout de mon nez avec ma langue. Ben voilà, et puis on fait ça dans la voiture. Ou bien tiens, je vais essayer de compter jusqu'à l'infini. Ah bah ouais, parce qu'à peine t'en es à 40 000, que t'es déjà arrivé à la pompe et t'as pas vu le temps passer. Voilà, donc courage et soutien inconditionnel aux grévistes. En tout cas, au moins jusqu'à dimanche, parce que dimanche je dois aller en Touraine. Thomas VDB, merci. Oui, à Jacques Brel hein, dans un embouteillage. Hein mais évidemment, mais vous venez de gagner la partie de Jacques Brel. Oui, donc Jacques Brel, il faut expliquer à notre invité qui est perdu là. C'est quoi Jacques Brel? C'est un jeu que j'ai inventé qui s'appelle Jacques Brel, où le premier qui dit Jacques Brel, il a gagné. D'accord. Voilà. Jacques Brel, donc c'est. Voilà. Ah, il est balèze. Guillaume de Tonquédec est avec nous. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, parce qu'il a peut-être décidé de partir pendant le 10. Oui. Car par 49.3, je décrète un petit Radio Elvis sur France Inter. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h. Regarde là. Sauvage là, sensation du début, ne se laisse plus monter, comme à l'heure des premières crues qui te faisaient chanter. Hola, hola, tout doux, tout doux, ralentis un peu. Tout doux, tout doux, et le vent a soufflé, soulevé des montagnes, de poussière dévoilée, des continents perdus, des parfums en sommeil, des corps inachevés qui te faisaient chanter, qui te faisaient chanter. Hola, hola, hola. Tout doux, tout doux, ralentis un peu. Et les mois sont passés comme un souffle fragile, sans même nous affoler. Des vents qui nous battaient nous dérobaient à ceux qui pourtant nous aimaient et nous faisaient chanter, et nous faisaient chanter. Hola, hola, hola. Tout doux, tout doux, ralentis un peu. J'ai passé la récolte à cesser d'ignorer qu'elle est ce que nous sommes et qu'on se passe en elle comme elle se passe de nous et qu'on se passe en elle comme elle se passe de nous. Hola, hola, hola. Tout doux, tout doux, ralentis un peu. C'est Les Moissons de Radio Elvis sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Guillaume de Tonquédec qui sera ce soir au théâtre, comme tous les soirs, au théâtre Édouard VII à Paris, après une tournée dans toute la France déjà. Ça s'appelle Un dîner d'adieu d'Alexandre de la Patellière et Mathieu de la Porte, dans une mise en scène de Bernard Murat. C'est avec Lionel Abelansky et Lisiane Meïs. Ils sont super. Recommandés par Alex Vizorek. Elle est belge, Lisiane. Mais non. Je vous assure. Je sais que c'est si bon. J'ai dit qu'elle était super sans le savoir. Et vous avez raison. Ouais. La fantaisie des acteurs belges et des Belges en général, d'ailleurs, que j'adore personnellement. Le lobby, essayez de me faire bien voir. Le grand remplacement a commencé, bah voilà. La cinquième colonne. Si jamais elle lâche le rôle, vous voulez auditionner? D'accord, oui, ok. Allez, moi je veux bien jouer Guillaume de Tonquédec, je suis sur fan. Peut-être qu'à la fin de l'émission. Un autre Guillaume est avec nous, c'est Guillaume Meurice. C'est le moment Meurice, c'est ça. Rien à ajouter. Moi je vais vous parler de la France paralysée en ce moment, prise en otage par de dangereux individus. On les connaît, Manuel Valls, Emmanuel Macron, Myriam El Khomri, autant de punks à chiens radicalisés. Alors évidemment, le 49-3 a remplacé la 8-6. Évidemment, les bergers allemands sont remplacés par Jean-Michel Apathy, Christophe Barbier, Jean-Pierre El Kabach, des éditorialistes tellement agenouillés devant le pouvoir que leurs vidéos sont disponibles sur Jackie et Michel. Heureusement, nous, citoyens, sommes protégés par notre belle démocratie et leurs valeureux représentants que je ne me lasse pas d'aller rencontrer à l'Assemblée nationale. J'en ai parlé par exemple ce matin, j'ai parlé blocage du pays avec le député PS Patrick Mennucci. Quel est son sentiment à Patrick ? Écoutez, mon sentiment c'est qu'il y a une exagération très grande de la part du gouvernement ? De la part de la CGT. Ah ouais, pardon, parce que comme je me disais dans PS, il y a socialiste. Je suis court parce que j'ai encore mes vieux réflexes sectaires de gauchistes. Désolé. Alors, on poursuit avec Patrick. Quand même, il y a une démocratie dans ce pays. On ne peut pas permettre que un tout petit groupe, une minorité, bloque le pays. Donc je crois que... Là, vous voulez parler du 49-3 ? Non, vous savez très bien que je parle des déblocages d'une minorité de la CGT. Pardon, putain de réflexe, hein, ça part pas comme ça, je m'excuse, d'autant plus que ça a un petit peu agacé Patrick. Je suis très surpris que France Inter compare une constitution de la République avec des blocages de stations-service. Mais le droit de grève, c'est dans la Constitution. Ah, mais le droit de grève est dans la Constitution. Ce qui n'est pas dans la Constitution, c'est le blocage de la production. Ah, c'est ça la grève aussi, c'est stopper la production. Non. Oui, alors si, quand même, un petit peu. Ah, parce que si dans Germinal, les mecs, ils avaient dit « Bon, on descend quand même creuser, mais sachez que quand même, on en a gros sur la patate. Hein. » Ah, aujourd'hui, Pierre Gattaz, il serait géo au Club Med de Montceau-les-Mines. Hein, voilà. Mais ça, Patrick, il peut pas s'en rendre compte, hein, évidemment. Hein. S'il y avait une grève des chauffeurs de fonction ou des fabricants de blinis à la truffe, il s'en rendrait compte. Mais là, c'est pas le cas, évidemment. Alors, est-ce que François Loncle, député socialiste, hein, lui aussi, peut s'en rendre compte, lui qui est très attentif à l'opinion publique ? L'opinion publique française s'est retournée depuis une dizaine de jours. Ça veut dire que vous écoutez l'opinion publique ? Bien entendu, je ne fais que ça, c'est mon métier. Parce que l'opinion publique, elle est contre le gouvernement aussi. Il se trouve, l'opinion publique, elle vote. Et elle votera l'année prochaine. L'opinion publique, évidemment, j'y suis sensible. Vous voyez, vous ne l'écoutez plus, là, on a l'impression. Mais pas du tout. Je peux vous dire que ce qui est dans la tête des gens en ce moment, c'est l'exaspération, le dégoût profond des actions violentes. Oui, mais alors, en l'occurrence, plutôt celle du gouvernement. Parce qu'il semblerait que, selon un sondage Odoxa pour Le Parisien, 61% des Français jugent que le gouvernement est responsable du durcissement de la contestation. Mais bon, François Loncle, il a 74 ans, donc plutôt qu'Odoxa, il aurait besoin d'Audica, hein, pour écouter l'opinion publique un petit peu plus attentivement. Alors, autre soutien fervent du gouvernement actuel, Philippe Doucet, député PS du Val d'Oise. Quand vous voyez les manifestations de la SNCF, ils n'ont pas à craindre pour l'emploi, ils ont un emploi assuré. Est-ce que vous êtes pour la fin des régimes spéciaux, vous ? Non, mais moi, après, on va pas avoir le débat là maintenant sur la SNCF. Hein, donc, pourquoi pas ? Non, mais derrière, après, qu'est-ce que j'ai... c'est pas... Finalement, Philippe Doucet, son avis, de ce point de vue, on s'en fiche. Mettez-vous dans la rue. Non, les gens, moi, je m'en fiche pas. Les gens, ils pensent quoi de la problématique de la SNCF ? Les gens, ils me demandent votre avis tout le temps dans la rue. Non, ils ne demandent pas votre avis tout le temps. Bon. Bah si, ça aurait été intéressant que Philippe Doucet nous parle des régimes spéciaux des cheminots, ou de celui des députés, hein, par la même occasion, parce qu'il y a pas mal de salariés du privé qui aimeraient bien avoir une retraite de député. Mais a priori, c'était pas le débat, puisque le débat, évidemment, c'est la grève, hein, et le blocage des axes d'approvisionnement. Tiens, justement, j'ai croisé un ancien ministre des Transports, Dominique Bussereau, député Les Républicains de la Charente-Maritime. Il en pense quoi ? Il y a des règles très strictes qu'il faut appliquer, mais qui respectent le droit de grève, mais qui, dans les choses qui sont essentielles à la vie quotidienne, permettent au gouvernement de réquisitionner. Est-ce que c'est vraiment respecter le droit de grève ? C'est ça la question. Écoutez, je dirais que la question n'est pas celle-là. La question, c'est... Ah bah si, c'est la mienne. La question est de faire fonctionner la société française. Hein ? Oui, mais ma question à moi, là. Bah, votre question à vous, je m'en fiche. Eh ben voilà, c'est ça, la démocratie, ils s'en fichent. On répond aux questions qui nous arrangent, hein, sinon, voilà, on s'en fiche, pour reprendre l'expression de Dominique. Pourtant, elle était super, ma question, Domi. Non, elle n'est pas super. C'est le bon fonctionnement de la société française est supérieur à l'exercice du droit de grève qui est particulièrement garanti dans notre pays et les Français s'en aperçoivent aujourd'hui. Mais ça, c'est très subjectif dans, quand même. Dans les trains, non, pas du tout. Il y a d'un côté le droit de grève avec une loi qui date de 1864 et puis il y a de l'autre côté le 25 mai 64. D'ailleurs, c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est comme ça que vous fêtez l'anniversaire du droit de grève. Écoutez, oui. Mais oui, mais bon anniversaire, le droit de grève. Tous les députés te font plein de gros bisous. On prépare même une petite fête. Alors, on picolera pas, hein, pas besoin. Tous les pseudo-représentants de la démocratie nous saoulent déjà assez comme ça. Merci, Guillaume Meurice. C'était votre dernière interview. Si le Domi vous affichait, c'est foutu. Oh, ça, c'est Domi. Sûr. Merci, Guillaume Meurice. On est sur France Inter. Et notre invité, c'est Guillaume de Tonquédec. Il est avec nous jusqu'à 18h. On vous soumet un deuxième sujet pour changer le monde. Deux tiers des parents de droite ont des enfants de droite. Deux tiers des parents de gauche ont des enfants de gauche. C'est ce qu'explique une sociologue dans La Croix aujourd'hui. Mais dans ce déterminisme familial, il reste donc un tiers en opposition avec la couleur politique familiale, c'est celle-là. Si tu veux rester toi-même, je crois qu'il est préférable que tu tournes cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler, parce qu'en politique, la moindre gaffe peut coûter très cher, Fabienne. Ah, oui, évite de dire bravitude, maman. Oh non. Mais Soli, n'aggrave pas ton cas, là. Sinon, je t'envoie t'habiller correctement. Bah quoi, il y a un problème avec le tché ? Oui, il y a un problème, oui, parce que le problème, c'est que tu portes ça uniquement parce que c'est la mode. Tu n'as pas la moindre idée de qui est ce type-là. Ernesto Guevara, le tché, révolutionnaire marxiste et homme politique d'Amérique latine. Chef de la guérilla internationaliste cubaine, mort exécuté en 1967 à La Higuera, en Bolivie. Alors ça va, Soline, cherche pas la polémique, là. Oui, alors regarde comment tu te tiens. Quant à tes idées socialo-communistes, là, ma chérie, elles sont navrantes et d'un autre âge, excuse-moi. Fais pas ci, fais pas ça, Guillaume de Tonquédec, dont vous êtes en train de tourner la dernière saison. Ouais, c'était Tiffen Haas qui joue voilà. Soline, notre fille, puis avec Valérie Bonneton. Avec Valérie Bonneton. Qu'est-ce qu'on s'amuse faire beaucoup. Si c'est la dernière saison, nous on est foutus. Ne vous inquiétez pas, on a tous les DVD. Les DVD en boucle. On a toutes les saisons. Ouais. Alors pour je viendrai vous faire des faux. Oh oui, ça, c'est venez enregistrer des voix. Bah oui, évidemment. On va faire un petit stock d'avance. C'est là qu'il y aurait avec plaisir. Pour 46% des Français, les choix politiques occupent une place importante pour se définir personnellement. Et chez vous, Guillaume de Tonquédec, chez vous aussi, la politique, ça fait partie de votre identité. C'est quelque chose qui vous construit votre personnalité. Oui, évidemment, oui. Enfin, je parle de moi enfant d'abord vis-à-vis de mes parents, puis de moi maintenant parent vis-à-vis de mes enfants. Évidemment, on en parle, oui, bien sûr. Tous vos enfants sont de droite comme vous. Est-ce que il faudrait leur demander. Je ne sais pas ce qu'ils font dans le secret de l'isoloir. Est-ce que quelqu'un vous a influencé dans la famille? Est-ce qu'il y a chez vous, il y a une forme un peu de déterminisme social? Bon, déjà, il y a Guillaume de Tonquédec, il y a une particule. Alors, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Oui, j'avais une prof d'histoire communiste qui m'a détesté dès le premier abord. Et après, on est devenus très, très copains. C'est vrai? Oui, il y avait un déterminisme comme ça. Oui, forcément, évidemment, avec un nom pareil, on est pressé d'être quelque chose qui est assez drôle. Ce qui m'a beaucoup gêné au départ, et puis après, j'en ai joué. Et qu'est-ce qui vous a réuni alors avec cette prof communiste? Le théâtre. Ah, oui. Le théâtre, parce qu'elle adorait le théâtre, et puis elle a vu que j'étais peut-être pas totalement de droite à fond, et, comment dire, plus ouvert peut-être que ce que mon nom pouvait laisser déterminer. Et donc, on est allé au théâtre ensemble, on a vu des pièces, et voilà, c'est ça qui nous a réunis. C'est beau, donc le théâtre peut réunir les gens. Vous vous rendez compte, ouais, c'est ouais. beau. Vous vous rendez compte, Guillaume Meurice? C'est vrai, quand je joue le soir, sérieux, je me dis, mais s'il y a des représentants de la France dans la salle, donc il y a des gens voilà, de toutes les couleurs politiques. C'est assez marrant de se dire ça. Souvent au théâtre, on dit les gens de gauche sont sur scène, les gens de droite dans la salle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, Édouard VII? Est-ce que c'est vrai, Édouard VII? Oh, il faudrait faire un sondage, mais c'est drôle, ça, en tout cas. Il faudrait voir le prix des places, alors. Dites-nous, vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Oui, c'est peut-être vrai. Ah, voilà. Les gens de gauche sont pauvres. Ça arrive. Raison d'être de gauche à ce moment-là. Il y a des moyens d'aller au théâtre sans payer trop cher ses places, heureusement. Quoi. Et puis, quand on fait du beau travail, vous êtes consciente de ça? J'ai lu dans une interview que vous disiez les places de théâtre ou de cinéma sont chères, donc il faut que la baguette soit bonne. Quoi. Oui, c'est Michel Bouquet qui était au Molière, d'ailleurs, que j'ai revu, qui était mon prof au conservatoire. Et il nous disait au conservatoire, il dit, tu comprends, le public, il est venu pour te voir en chier. Ce qui est assez juste, c'est-à-dire qu'il faut que tu mouilles ta chemise, et il dit, je rejoins complètement son avis, on a une responsabilité, ils ont payé cher leur place, c'est cher, des places à 30, 40, 50, 55 euros, donc il veut en avoir pour son argent, donc il faut faire ton travail correctement, lui donner ton travail pour qu'il soit content du prix qu'il a payé. Sinon, il ne reviendra pas, et on a une responsabilité, même vis-à-vis des autres productions, des autres théâtres qui se jouent, parce que quelqu'un de content, dire, tiens, c'est quand même bien le théâtre, je vais aller voir autre chose, donc c'est important. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi Guillaume continue à faire de l'humour, parce que moi, après, les gens se plaignent. Mais non, parce que vous disiez mouiller la chemise, vous mouillez jusqu'au slip. Mais je ne m'en dis pas plus. Allez voir Guillaume de Tonquédec au théâtre. Et oui, dans Un dîner d'adieu, c'est au théâtre Édouard VII. C'est un bon teasing, merci. Hein, c'est pas mal. Hein. Et à côté de vous, il y a une autre théâtreuse. Elle s'appelle Juliette Arnaud et elle nous parle littérature. Oui, parce que qu'est-ce qu'elle a fait ce week-end? Eh bien, elle a pris sur elle de relire pour vous La cousine bête d'Honoré de Balzac. Oh, bim, 1847. Chic. Merci, parce que nous, on n'avait pas ce projet-là. Ça nous arrange quand même pas mal. Ben moi, je l'ai fait. Et alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui m'a pris de m'infliger une horreur pareille alors que les premiers beaux jours semblent revenir, alors que tout va mieux bien? Par ailleurs, le Festival de Cannes s'est super bien passé. On a vu les pieds de Julia et les tétons d'Elsa. Roland Garros s'annonce trop bien. Personne n'est dopé. Et l'euro, c'est l'euro. Qu'est-ce qu'on va bien se marrer? Et la France va gagner grâce à Hatem Ben Arfa. Ceci est ma prédiction. Voilà, il n'est pas sélectionné, donc on le rappelle. Oui, et il sera sur le banc et tu vas voir, ça sera grâce à lui qu'on va gagner. Très bien. Oui, qu'est-ce qui m'a pris de m'infliger une telle horreur? Que personne ne hurle, je ne suis pas en train de dire sur les ondes de France Inter que Balzac est un écrivain horrible, je dis que La cousine bête est une lecture horrifique. Alors oui Alex, c'est pas non plus L'exorciste, il y a moins de morts que dans Massacre à la tronçonneuse et moins de viols que dans Cannibal Holocauste, mais je vous mets au défi de lire La cousine bête sans sentir vos petits cheveux du haut de la nuque se dresser tout droit comme s'ils étaient des êtres dotés d'une volonté propre. Et maintenant, exercice de style, résumé de 500 pages, en avant Guingamp. Alors il y a deux cousines, une très belle et vertueuse, Adeline, qui fait un mariage d'amour et d'argent, si, ça arrive, avec le baron Hulot. Et puis elle a sa cousine, pauvre et moche, si, ça arrive aussi, bête donc, et là je cite Honoré de Balzac, qui la décrit, maigre, brune, Les sourcils épais réunis par un bouquet, les bras longs et forts, les pieds épais, quelques verrues sur sa face longue et simiesque, tel est le portrait concis de cette vierge. Pour vulgariser un poil, en gros, la cousine bête, c'est Chewbacca. Et alors, comment Chewbacca, prise par le démon de l'envie et de la vengeance, comment cette femme terrible va faire le malheur de toute la famille Hulot avec méthode? Bon, alors, c'est pas non plus le génie du mal, hein, Chewbacca, enfin, je veux dire, la cousine bête. Pourquoi est-ce qu'elle réussit? Eh bien, si elle réussit, la cousine bête, c'est que le baron Hulot, il devient vieux. Les maîtresses qui pouvaient s'offrir lorsqu'il était jeune et beau et fringant militaire se font rares, tandis que son vice, la concupiscence, et là, je me permets un gros big up à la langue française, concupiscence, bim, tout le monde sait de quoi on cause. Donc, tandis que sa concupiscence au baron Hulot, elle va croissant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il s'emmerde pas, il ruine sa famille, file l'argent de la dot de sa fille à une maîtresse, s'endette et finit par voler dans les caisses de l'État, mon Dieu, comme c'est moderne. Et tuer de honte son grand frère, le maréchal Hulot, maréchal d'Empire, dont l'honneur était jusqu'ici sans tache, ça c'est moins moderne, hein. Il se suiciderait pas, Cahuzac, son frère, bref. Et puis tuer de honte sa femme, la belle Adeline, quand elle l'entend promettre le titre de baronne Hulot à Agathe, fille de cuisine, 15 ans, grosse et bête, dès qu'elle-même aura passé l'arme à gauche. Adeline alors meurt en disant à son mari, écoutez bien, je cite Balzac, « Mon ami, je n'avais plus que ma vie à te donner, dans un moment tu seras libre et tu pourras faire une baronne Hulot. Alors, on vit. Ce qui doit être rare, des larmes sortirent des yeux d'une morte. La férocité du vice avait vaincu la patience de l'ange, à qui, sur le bord de l'éternité, il échappa le seul mot de reproche qu'elle eût fait entendre de toute sa vie. » Mais quel grand sadique ce Balzac, c'est la comtesse de Ségur, Empire. Ici, les seules femmes non victimes des hommes sont les grandes courtisanes qui font marcher les concupiscents sur les genoux. Ici, la laide, qui pourrait être délicieuse à l'intérieur, comme Monsieur Patate, et ça serait plus moral, finit grâce à ses manigances par tuer la seule innocente, celle qui lui a jamais rien fait, bien au contraire. Et quand la cousine bête finit par claquer, ça arrive un peu tard, beaucoup trop tard, on n'en est même pas soulagé. Ça doit être ça le souci de la vengeance, ça arrive toujours trop tard. Allez! Puisqu'avec un peu de chance, c'est à nouveau mai 68 que la France va s'arrêter, qu'on va avoir du temps devant nous. Prenons plaisir à se faire sadiser par Balzac, réfléchir au vice, à la vengeance et à la vertu piétinée. Merci Juliette Arnaud. Révisez les classiques du bac avec Juliette Arnaud la sur France Inter. La seule capable de citer Monsieur Patate dans une chronique sur Balzac. Chapeau, chapeau l'artiste. C'était pas tant. Guillaume de Tronquédec est avec nous. On va aborder avec vous le troisième sujet. Depuis que Daniel Craig a renoncé à incarner James Bond, il lui en reste un à tourner. Eh bien, l'idée que James Bond soit incarné par une femme refait surface. Les réseaux sociaux ont déjà suggéré massivement que Jane Bond soit incarnée par Gillian Anderson, c'est l'actrice de X-Files et de The Fall. Ah oui, dites-vous. Ah, je vais bien faire James Bond Boy. D'accord. Elle en cherche. Et elle risque de très vite prendre les choses en main si vous faites James Bond. Ah oui. Ça va pas Alex, elle risque, si elle vous prend comme un assistant. Oui. Je vous préviens, c'est ça qui vous attend. Vous êtes prêts? Attention. Ouais, je vais écouter. Maintenant à toi, vas-y. Non mais je sais pas me servir d'un revolver, j'en ai jamais eu. Oh là là, mais c'est pas possible, hein. Mais qu'est-ce que t'as appris? T'as jamais eu un revolver? Mais un homme, c'est pas un homme s'il a pas de revolver. Plisse les yeux. Que je fasse quoi? Plisse, comme ça, là. Dégaine et tire sur la bouteille avant d'avoir touché ton revolver. Et comment veux-tu que je dégaine et que je tire sur la bouteille avant d'avoir touché mon... Concentre-toi. Essaye. Tu es né pour être un roi du revolver. Un extrait de Little Big Man, le film. Alors, James Bond, vous êtes client de James Bond, vous, Guillaume de Tocadec, ça fait partie de vos... Ah oui, j'aime bien, oui. Mais je suis très déçu de cette nouvelle, puisque j'avais tourné toute ma carrière en espérant reprendre le rôle. Oui, parce que dans SMS... Mais je porte très bien la robe, remarque. Dans le film SMS, on vous voit faire des cascades. Oui, c'est vrai. Ouais. Je fais toutes mes cascades moi-même. Ah oui. C'était super d'ailleurs, j'ai beaucoup beaucoup amusé. J'étais éreintant, mais très drôle. Donc il y avait potentiellement du... Mais oui, j'ai essayé, c'était, c'était la Warner Bros. Qui produisait. En plus, je me disais, ça va peut-être aller du côté de l'autre côté, aux États-Unis, et non. Écoutez, l'appel est lancé en tout cas, hein, si des réalisateurs, des producteurs nous écoutent. On ira faire James Bond Boy avec Alex. Ah, bien sûr, VDB. Vous étiez peut-être intéressé pour reprendre le rôle de Lara Croft. Ah, peut-être, on peut switcher. Bousculons les codes. Oui, c'est vrai. Ça, on va le laisser à Juliette. Mais seriez-vous client d'une Jane Bond? Parce que je. Ah, je... est-ce que ouais. Ah oui, ça m'amuse. Oui, ce serait très intéressant et je me demande comment cette femme traiterait les hommes. Mm-hmm. Ça m'intéresserait beaucoup de voir du point de vue du scénario. Il faudrait que ce soit des femmes qui écrivent le scénar, non, franchement. Mais je crois qu'il y a une des coproductrices de James Bond qui est une femme. Donc peut-être que il doit y en avoir. Mais elle est pas auteur. Oui, mais ouais. C'est les parce que Guillaume de Tonquédec, vous êtes un peu sensible à la condition féminine. J'ai lu des interviews où vous expliquez que l'éducation des filles ou les métiers exclusivement féminins dont on n'a pas trouvé le nom masculin, puériculteur par exemple, ça pourrait être un tournant pour la condition féminine s'il y a un James Bond. Si c'est écrit par une femme, il faudrait aller au bout quoi, par des femmes. Mm-hmm. Ouais, pour voir un peu. Moi, j'aimerais bien voir comment James Bond traite les James Bond girls. J'aimerais bien voir comment la femme ferait avec les James Bond boys. Ça m'intéresse. Ça raconterait beaucoup de choses sur nous, quoi, sur le monde. Vous avez d'ailleurs dit que les femmes représentent une force politique importante et certains trouvent très pratique de les faire taire. D'où ça vous vient cette fibre sensible à la condition de la femme dans la famille? Vous avez beaucoup. J'aime ma mère. C'est une condition nécessaire mais suffisante parce que... Non, mais je crois que ça vient peut-être de mon éducation, puis de la façon dont on a vécu en famille et, donc j'essaye peut-être de faire la même chose, même si j'y arrive pas beaucoup. Je t'embrasse ma femme, forcément. mais je vois pas, j'ai jamais compris cette histoire d'inégalité puisque c'était pas comme ça chez nous, donc ouais. C'est quand même une telle source de progrès, franchement. Non, question pas d'accord, Charline? Mais bien sûr, évidemment. Non, mais ça la mieux, scolarisation non. des filles dans les pays en voie de Margaret Thatcher. Bon. Les poissons volants existent, c'est pas la majorité des espèces. Oui, c'est vrai. Une copine de Guillaume Meurice, Margaret Thatcher, sans doute. Elle me manque. Tu aurais fait un excellent James Bond, Margaret Thatcher. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah oui, tiens. Ouais, effectivement. Je propose une solution. Alex Vizorek, oui. On va profiter du fait qu'on a Guillaume de Tonquédec. Bah, on sait bien qu'on va en profiter. Un cadeau du genre. L'émission, on propose un sketch à l'invité. Chaque fois, il découvre le texte. Je vous le fais passer. Guillaume de Tonquédec, je vais vous donner un rôle que vous connaissez. Vous êtes Renaud Lepic. Charline va faire Fabienne Lepic. C'est un fantasme qu'elle avait. Et vous êtes à la pompe à essence. Ah oui, vous attendez, vous faites la file. Et c'est un autre couple de gauche, les Meurice Arnaud, qui viennent vous saluer. On se rend tout de suite. Salut, vous voulez qu'on vous prête des vélos? Non, merci, là j'attends pour faire le plein. Ah. Allez, ça va, défais ta cravate et viens plutôt pédaler avec nous. Non mais dites donc, vous seriez pas en train de draguer mon mari là? Mais reste cool, on est tous ensemble. Mais ouais, tous ensemble, ouais. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que c'est la grève et qu'il faut qu'on soit solidaire là. Solidaire avec des gens qui paralysent la France? Oh non, me dites pas que vous allez me sortir le refrain de la prise d'otage. Ah bah exactement, c'est une prise d'otage. Oh, non. Ah bah moi si tu veux, je te prends en otage avec plaisir, grand fou. Là, j'ai pas rêvé, vous draguez ouvertement mon mari. Non mais la chérie, elle est mignonne. C'est pas une minorité qui va bloquer le pays. Parce qu'en plus, elle est mineure. Mais t'en fais pas, je gère la situation. J'appelle la police. Eh oh, votre Allô bagnole, là, ça serait pas une Renault? Allô, oui, pourquoi? Bah, je l'aurais parié, vous avez une tronche à chanter, j'ai embrassé un flic. Oh. Alors que vous feriez mieux d'embrasser une gauchiste. Mais c'est qu'elle a le feu au cul, la bolchevique. Chérie, j'ai fait le plein du 4x4 et on s'en va. Alors bah, ça m'étonnerait, la station-service est à sec. Mais quelle horreur! Mais qu'allons-nous devenir? Les CRS ne vont pas tarder. Ah bah voilà, ça y est, des menaces, toujours des menaces. Est-ce de ma faute si vous marchez à côté de vos pompes? Jeu de mots. En fait, si je peux me permettre, il y a la queue à la pompe. Mais arrêtez les allusions, enfin. Je prierai pour vous à la messe dimanche. Chérie, ne fais pas attention. Ces chômeurs ont perdu la raison. Chômeurs à perdre la raison. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, quel bel homme. Ah bah, vous tombez bien, monsieur le CRS. Ah non, appelez-moi Philippe. Philippe Martinez, c'est ça. C'est joli, Philippe, hein. Mon mari et moi, on vous adore. Non mais, Fabienne. Bah, désolée, Renaud, enfin, j'ai toujours aimé les moustaches, alors. Enfin, bah, je pars avec Philippe. Bijoux. Mais moi, je suis toujours dispo, hein. Mais il y a votre mari. Non mais t'inquiète, la gauche, c'est le partage. Ah. On a retrouvé Renaud Lepic. Ah oui, en plein. Ouais, c'est un vrai plaisir, c'est super. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on recommence une saison de Fais pas ci, fais pas ça. On passe le costume, on dit la première réplique et paf, c'est parti, quoi. C'est magique, c'est tellement marrant à faire, franchement. Vous n'avez jamais pensé à vous dire, bon bah là, on est au sommet de la gloire avec Fais pas ci, fais pas ça, j'arrête? Moi, non, moi j'adore le personnage auquel je dois tort. Non, j'adore ça, moi, franchement, non. Ça pourrait continuer, ça m'empêche pas de faire plein d'autres choses. Oui. Donc, du cinéma, du théâtre, tout ça. Donc, je suis ravi de cette aventure. Mais par contre, le sujet, c'est vrai, se tarit de lui-même. C'est pour ça aussi que la décision a été prise d'arrêter. C'est que c'est les rapports parents-enfants, l'éducation, et que nos enfants, techniquement, quittent le nid familial. Donc, on joue les grands-parents, mais c'est moins, on commence à sortir du sujet. Oui, et donc il y a moins en moins de personnages parce qu'ils partent, ils quittent la maison et c'est plus difficile. Oui, alors on pourrait, mais on va, ouais, ça se tarie un peu. Mais ils ont trouvé des bonnes idées pour la dernière saison. Je ne peux pas vous en parler, je n'ai pas le droit. Je suis tenu par le secret, par contrat. André Manoukian est dans le coup. Alex, vous qui avez vu la pièce de Guillaume de Tonquédec, peut-être vous avez d'autres questions ou Non, mais je vous dis, moi j'ai adoré le prénom et donc j'y allais avec une espèce d'inquiétude, mais sans doute comme vous quand on vous a donné le texte. Ah oui, peut-être que les spectateurs qui vont voir votre pièce pensent au prénom, qui sont les mêmes auteurs et puis oui, parce que tout y ressemble jusqu'à l'affiche quasi et le lieu. Oui, c'est vrai, c'est le même metteur en scène, le même théâtre, etc. Et les mêmes auteurs. Ouais. Qu'est-ce que vous disent et les gens? Et un comédien commun. Oh, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous disent les gens en comparaison avec Il y a des gens qui préfèrent le prénom et d'autres qui préfèrent celle-là. Bah ouais. Et puis il y a ceux qui adorent les deux. Et puis énormément de gens aussi qui viennent vous voir au théâtre pour votre personnage à la télévision, j'imagine. Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui me disent, on vous a vu hier soir. Je lisais Fais pas ça justement avec les réalisateurs dans le bas du théâtre. Il y a un restaurant, là, on s'était mis là dans le théâtre. Puis en remontant, j'ai croisé des gens qui m'ont dit, on sait pas du tout ce qu'on vient vous voir, mais on vous adore dans Fais pas ça. Il y a un truc que vous, pourvu que vous soyez pas déçus. Vous venez sans doute de connaître, c'est que quand vous rentrez sur scène, la pièce a commencé et on applaudit quand Guillaume de Tonquédec rentre sur scène. Ouais, ça arrive. Ça pose un. Vous étiez là le jour où c'est arrivé. Dimanche après-midi. Je savais que vous étiez dans la salle, j'ai dit dimanche après-midi, je le vois sur France Inter. Et bien voilà, écoutez, applaudissez Guillaume de Tonquédec avant même qu'il arrive en scène dès ce soir dans Un dîner d'adieu d'Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte dans une mise en scène de Bernard Murat. C'est au théâtre Édouard VII à Paris, donc avec Lionel Abelansky et Lysiane Meïs, notre compatriote. Voilà, demain. Qui adore Jacques Brel. Ah, Jacques. Il a pris la main. Allez, demain, on jouera à Jacques Brel avec Julie Depardieu. Ah, ouais, super. Julie Depardieu sera avec nous demain et on laisse le mot de la fin à ce qui nous attend peut-être demain si la CGT bloque aussi les centrales EDF. Ça va être tout noir. La gueule. Ça va être tout noir. La gueule. Ça va être tout noir. La gueule.